participe au camp No Border à Bruxelles. 7 jours d'action, films et débats sur les migrations et politiques migratoires. Du 25 septembre au 3 octobre 2010. Plus d'informations sur le site www.noborderbxl.eu.org.